Chapitre 18e. L'hiver s'acheva sans encombre. Demian avait appris l'allemand, qu'il parlait fort convenablement, et Victor commençait à confectionner proprement une guitare à bon marché, à l'usage des amateurs de fortune modeste, lorsque le printemps revint couvrir Moscou de ce voile de poussière qui lui est aussi naturel que les feuilles aux arbres des forêts. Le jeune musicien se préparait à passer l'examen d'entrée au conservatoire, mais une crainte nouvelle paralysait ses doigts sur les cordes grinçantes. Il commençait à sentir l'insuffisance de ses premières études et se demandait si jamais on admettrait aux leçons des maîtres un élève doué d'un doigté si bizarre, d'un coup d'archet si audacieux. Plus d'une fois, M. Roussoff lui avait procuré des billets de concert et il avait pu comparer le jeu des artistes avec le sien. C'était parfois la même véhémence passionnée. C'était même de loin en loin un sentiment moins profond, plus conventionnel. Mais la délicatesse des nuances, la perfection du rendu, décourageait le jeune homme, qui en savait déjà assez pour apprécier la distance qui le séparait de ses virtuoses. Un soir de printemps, il attendait Victor qui s'était un peu attardé, pour jouir de la douceur d'une première soirée tiède et claire. Après les longues nuits pluvieuses du mois précédent, il avait ouvert sa fenêtre, récemment débarrassé de son double vitrage d'hiver. Les lignes maigres qui garnissaient le jardinet bourgeonnaient hâtivement, et déjà l'on voyait les petites grappes brunes s'allonger au milieu des feuilles vert pâle. C'était une promesse, et Demian aspirait délicieusement l'odeur de la sève renaissante que lui apportait le vent des campagnes voisines. En bon élève, il avait pris son violon, et pour charmer l'attente, il joua quelques études. Puis, inconsciemment, ses doigts quittèrent les mouvements connus pour former des sons capricieux qu'il laissait se gromper au hasard. Une mélodie se dessina. Elle ressemblait à celle qu'il avait jouée 100 fois. Mais au bout d'un moment, ce chant s'éleva, quitta les banalités connues et s'envola dans l'espace avec les pensées du jeune homme. Il jouait, et son esprit prenait des ailes immenses qui l'enlevaient tout entier, corps et âme, aux choses mesquines et vulgaires de ce monde. Demian se voyait dans l'espace. Il planait au-dessus de cette maisonnette grise, tranquille et assoupie, où nulle lumière artificielle ne troublait la douceur du jour expirant. La place paisible où nul ne passait, excepté aux heures des trains pour rejoindre la gare peu fréquentée, n'était pas éclairée non plus. Dans la pénombre adoucie, dans la poussière moelleuse et muette, les petites rochequilles de louage roulaient lentement au pas des chevaux fatigués, conduits par des cochers endormis, et cette procession silencieuse semblait à Demian le défilé d'une théorie. Était-ce un jour plus doux, une lumière plus atténuée, qui baigne le soir les bas-reliefs du Parthénon? Orphée avait-il eu des prières plus attendries pour appeler les pierres à se grouper en masses harmonieuses? Le jeune homme jouait, et tout en lui, hors de lui, prenait une pureté idéale et divine. Il avait bien oublié Caroline et les vulgarités de sa demeure. La jeune Allemande n'existait plus pour lui, qui voyait tourner lentement au-dessus du sol, à la hauteur de ses yeux demi-clos, les groupes mystérieux et symboliques des Panathénées. Pourquoi la Grèce visitait-elle ainsi cet enfant obscur et inculte, qui l'ignorait presque tout entière, qui ne connaissait d'elle que quelques photographies, quelques dessins, quelques lignes lues çà et là, au hasard d'un livre entrouvert chez un élève pendant un moment d'attente? C'est peut-être l'antique fiction d'Orphée qui avait éveillé en lui le rythme sacré des danses antiques. Il jouait, oublieux du monde, inconscient de l'obscurité croissante, les yeux perdus dans le gris adorable du crépuscule, et il s'arrêta pour écouter la voix intérieure qui lui dictait sa mélodie. « Que c'est beau, mon frère !» dit Victor, arrêté devant lui, les mains jointes, en extase. Il s'était approché, n'avait osé entrer de peur de troubler le musicien, et l'écoutait dehors, appuyé sur la haie du petit jardin. « C'est beau, écoute encore !» Demian recommença, mais le mode avait changé. Il pressentait sa gloire future. Plein d'orgueil et d'enthousiasme, il dominait le monde. Continuant son rêve, il était Alexandre, entrant dans les villes conquises sur un char traîné par 6 chevaux blancs. Les rois vaincus marchaient à ses côtés dans la poussière, et les lyres à 4 cordes chantaient sa gloire et son omnipotence. Le monde était à lui. Puis son inspiration lassée redescendit vers la terre, et après quelques notes indécises, il commença avec une fougue incroyable la célèbre polonaise de Wieniawski. Tous ses vœux, tous ses désirs se concentrèrent dans cette inspiration vraiment extraordinaire, qui dans son genre n'a pas de rival, et Victoire enthousiasmée battit des mains au premier temps de repos. Le train de Nijni venait d'arriver, et quelques rares voyageurs traversaient la place en droshky ou à pied, mais Demian n'y prenait pas garde. Son inspiration personnelle eût pu être troublée par un retour à la vie réelle. L'exécution de l'œuvre d'un maître, dominant les bruits vulgaires, lui semblait au contraire une affirmation de sa force et de la puissance de l'art. Dans la demi-obscurité de ces belles nuits de printemps, deux voyageurs, dont l'un portait une boîte à violon, traversaient la place sans se presser, quand le plus jeune s'arrêta pour écouter cette musique, si extraordinaire à cette heure et en ce lieu. « C'est la polonaise, la vraie et unique polonaise, » dit-il à son compagnon, « et ce n'est pas mal joué du tout. C'est absurde, cela ne ressemble à rien, et celui qui la joue n'est pas le premier venu. Qui diable, peut-être, c'est Olybrius ?» Marchant dans la poussière, ils s'approchèrent de la vieille maison et aperçurent Victor qui écoutait de toute son âme, appuyé sur la balustrade. Les sons sortaient de la fenêtre obscure et l'on ne pouvait rien voir du dehors. « Qui est-ce qui joue là-dedans ? » demanda le voyageur à Victor qui tressaillit. « C'est mon frère, » répondit le jeune homme avec une fierté mêlée d'inquiétude. « Peut-être n'avait-on pas le droit de jouer du violon si tard, les fenêtres ouvertes ? S'ils avaient contrevenu à quelque règlement de police, s'il y avait une amende, ciel, qu'allait-il devenir ? « Demian, » dit le pauvre garçon d'une voix étranglée, « mon frère, fini ! Non pas, non pas ! Qu'il continue, au contraire !» dit le nouveau venu. « C'est très curieux ce qu'il fait là. Qui lui a appris ?»« Personne, monsieur, il a étudié sa méthode. S'il veut travailler, il peut devenir un grand artiste. » En entendant parler, Demian avait cessé de jouer. Il s'approcha de la fenêtre pour appeler son frère. « Jeune homme, » dit le voyageur, « venez ici, je voudrais vous parler. » Surpris et aussi un peu inquiet, comme Victor, le musicien obéit. « Je viens de donner un concert à Nijni, » dit l'inconnu. « Je passais par ici à pied, car je ne demeure pas très loin. Votre musique m'a surpris. Il y a longtemps que vous jouez ainsi, tout seul ?»« Bientôt 4 ans, » répondit Demian, sentant tout à coup qu'il était en présence d'un arbitre de son destin. « Voulez-vous entrer au conservatoire ?»« Je n'ai pas d'autre ambition. » »« Venez me voir demain, voici ma carte. » L'obscurité empêchait Demian de lire, et peut-être aussi le tremblement nerveux qui venait de s'emparer de lui. « Je m'appelle Berlomin, » dit l'étranger en souriant légèrement. À ce nom illustre, qu'avait renouvelé au conservatoire l'enseignement du violon, tombé en enfance, Demian voulut exprimer sa joie et sa reconnaissance. Mais les deux voyageurs s'étaient déjà confondus dans l'ombre grise du soir, et l'on distinguait à peine leur silhouette sur le fond de poussière de la place. « Voilà une aventure, » dit Victor quand il recouvrait la parole. « L'avenir est à moi !» s'écria Demian en brandissant son archet.